Bonjour et bienvenue dans Quoi qu'il se passe, le podcast qui te fait sortir de chez toi. Pour ce numéro pilote, je vais vous expliquer en quoi consiste le podcast. Donc je vais recevoir des intervenants pour présenter leur sortie, qu'il s'agisse d'un festival de musique, d'une expo de peinture, d'un salon ou d'une convention. Le podcast va s'articuler en deux parties. Une partie qu'on nomme Before Event, où on présentera l'historique de la sortie, ainsi que notre retour sur les précédentes éditions s'il y en a. Ensuite, on présentera la sortie qu'on a prévu de faire. Dans la partie que l'on nomme After Event, on reviendra sur la sortie qu'on vient de faire, en vous expliquant en détail, donnant notre tour, ce qui nous a plu ou pas. Donc pour ce premier numéro pilote, j'ai avec moi Musica. Bonjour Musica. Salut. Alors où est-ce qu'on va traîner pour ce premier pilote? Bien, on va traîner du côté de chez moi, ouais. À Toulouse, pour le TGS Spring Break, qui se déroule du 12 avril au 13 avril 2014. Ouais, c'est ouais, un petit week-end, ça va. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, une petite présentation de ta part, s'il te plaît, Musica. Donc on peut me retrouver souvent sur Twitter, @musica du MN. Après, on peut me retrouver. Je suis parfois dans les terrains. Enfin, je squatte un peu tous les podcasts qu'il y a. Le prochain qui me dit que c'est Laurent Doucet, je y trippe. J'ai rien dit. ouais, tu le pensais. non, c'est. Moi, je suis allée dans Queen Novi, plus de toc. donc, des fois, on peut m'entendre sur quelques podcasts comme Les Éclaireurs. J'ai fait un Queen Novi, un truc comme ça. On peut aussi me retrouver sur un petit blog, un petit blog que j'ai qui s'appelle L'heure anglaise et où je fais notamment des billets audio ou des podcasts, si vous voulez, qui est le son anglais. Ouais, et qui est le premier numéro est très bien. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Merci. Bah, du coup, je vais me présenter parce que du coup, je t'ai laissé présenter en première et puis pas moi. Donc, quelle galanterie. Azertor. Bah, oui, quand même, trop bien. Donc on a pu m'entendre sur les éclairages, pour parler un petit peu BD, et aussi sur les Bubble News, qui était un petit podcast sur les sorties BD sur Synops Live. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à la partie Before Event. Donc on va parler plutôt de la présentation de la sortie. Comme annoncé, donc on va faire le TGS Spring Break. Donc après, bah, le TGS, c'est géré par la société TGS Événements, créée en 2007 par Sébastien Laurence et Frédéric Devez. Big up les Toulousains. Ouais, c'est... Puis ça, ils sont quand même assez proches, parce que bah, Sébastien, on peut quand même le voir assez souvent déambuler dans la convention. Donc ça a été créé en 2007. Tout à fait. Pour parer à un manque de conventions de type Japanimation, donc tout ce qui est manga, dessin animé, animé entre guillemets, hein, pour faire puriste, ouais, voilà. Dans le sud de la France. Parce que sinon, quand ça a été créé, il devait y avoir que Japan Expo, vraiment avec une grosse aura. Qui a toujours d'ailleurs une très grosse aura. Oui, bah, de toute façon, c'est simple, quand on parle convention Japanimation en France, c'est tout de suite Japan Expo. C'est connu presque comme le Loublon. Tout à fait, oui. Ensuite, donc du coup, la première édition du Toulouse Game Show, donc raccourci en initial par TGS, donc ça a été donc le week-end du 24 et 25 novembre 2007, à l'espace Diagora qui se trouve à la Bège, au sud de Toulouse. Je connais très bien d'ailleurs. Oui, bah à force d'y arpenter maintenant, ouais, on s'y attache. Oui. Non, moi-même, je connais très bien l'endroit aussi. Mais ça, c'est perso. Ouais. Non, c'est... Ah. Non, mais après, c'est... La salle, c'est plutôt agréable. Oui. Je pensais pas qu'ils auraient fait au début. J'ai pas été dans les tout premiers, mais je pense que c'était une bonne idée de faire dans ce genre d'endroit. C'est assez... C'est une zone... Enfin, c'est pas une zone commerciale, mais bon, il y a beaucoup... C'est assez ouvert, tout ça. C'est pas le centre-ville non plus, donc c'était assez inattendu, je trouve. C'est vrai que là où... En fait, c'est un centre de congrès et d'expo. Donc du coup, il y a plusieurs types de salles. Donc il va y avoir un hémicycle, un amphithéâtre, une salle ellipse pour divers rendez-vous et voilà. Mais c'est vrai, déjà, c'est bien implanté au niveau géographique dans le quartier. C'est, il y a tout à côté, il y a plein de Oui, restaurants, c'est un c'est truc qui bouge bien. bien. C'était une bonne idée de le mettre là. Enfin, en tout cas, si on le mettait pas en centre-ville, c'était à peu près là où il fallait le mettre. Et puis même, je sais pas toi, mais moi après, je trouve le cadre qui est assez, c'est assez pas mal. C'est pas du centre-ville, donc c'est pas forcément tout gris ou tout, enfin, très urbain. Ouais, C'est assez oui, vert et il y a tout, de la c'est ouvert. verdure, ouais. Déjà, je trouve ça, c'est très sympa déjà. Pour, quand on vient Bah, là. c'est sûr que ça change d'un parc des expos comme celui de Toulouse ou comme celui de la Villette où il y a Ah Japan Expo. C'est pas vraiment des gros halls où bah voilà, c'est carré et puis c'est tout. Là, il y a différentes salles, différentes formes et c'est bien ouais, tout à fait. sympathique. Alors, donc pour cette première édition, donc il y a quand même eu 11 000 visiteurs. Donc je pense que pour une première édition, c'est pas trop mal. Oui, surtout, surtout dans le sud-ouest, tout ça. C'est plutôt pas mal. Ouais. Donc ensuite, durant 3 années, bah en fait, les visiteurs ont augmenté. Donc on est passé de 15 000 à 17 000 pour le 2009. Donc ça va être la troisième édition. Donc ça Ouais, va. voilà, c'est ça a bien augmenté, plus 6 000 en 2 ans, 2 3 ans, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et en fait, bah du coup, suite à cette augmentation de visiteurs, bah, enfin suite, je sais pas trop, mais ils ont décidé de créer un plus petit festival, vraiment pour se reconcentrer, comme si bah, c'était vraiment de la famille. Et ils ont décidé de mettre ça plutôt en avril. Mais c'est vrai qu'au niveau du calendrier, quand on regarde toutes les conventions, il y en a vraiment sur toute l'année. Par rapport à Japan Expo ou d'autres petites conventions, Dijon Sentai, il y a quoi, Mangazur et voilà, tout ce qui est à peu près de même niveau. Donc en avril 2010, il y a la première édition du TGS Ohanami. Donc Ohanami, donc c'est un mot japonais qui vient du préfixe de la particule honorifique O ainsi que du mot Hanami, qui veut dire littéralement regarder les cerises, parce que Les fleurs. l'époque de mars, c'est des fleurs. Oui, je confonds oui avec la suite, parce que justement pendant le mars, pendant la période de mars-avril, en fait, il y a les cerisiers qui sont en fleurs au Japon, et il est de tradition de passer du temps sous les cerisiers et de regarder justement regarder les fleurs. Ouais, il paraît que d'ailleurs c'est magnifique. Oui, bah, faudrait demander à Misaki. Je sais pas s'il a été en avril, s'il a pu voir les cerisiers, mais ouais, c'est à chaque fois, ça va être bien joli à voir. Donc cette plus petite convention par rapport au TGS normal, bah, ça se concentre en fait sur la partie culturelle. Parce que généralement dans les conventions japonaises, bah, à part tout ce qui est animation, manga, cosplay et compagnie, il n'y a pas vraiment la partie culture. Et comme visiter le Japon comme si qu'on y était. Alors Ouais, que je voilà. trouve justement moi j'y suis allé du coup pas à cette première édition mais à celle de 2011, mais j'ai vraiment retrouvé, c'était vraiment familial, convivial et c'était plus porté sur la culture et sur la présentation entre guillemets du Japon. Et une plus grosse mise en avant. Ouais, c'est vrai. C'est comparé au TGS normal qui c'est plus Ça fait moins convention geek, enfin ça faisait moins convention geek otaku ou un truc comme ça, Ouais, otaku. bah c'est vrai. Bah Voilà, c'est après ce. sur l'évolution, moi je trouve que ça ressemble plus à un grand marché. Japan Expo, pour moi, c'est qu'un grand marché et c'est tout. On a dans le TGS ou Hanami, on a moins cette notion-là. Toi, tu peux le dire. Enfin, moi, j'ai aucun point de comparaison, donc. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de Bah conférences. comparé au TGS normal. Oui, après, voilà, je peux juste comparer au TGS normal. Mais après, je veux dire, même le TGS dans son ensemble, je peux pas trop le comparer à Japan Expo, tout ça, vu que je n'y suis pas allée. Mais non, mais après, c'est vrai que c'est. T'as beaucoup de boutiques, mais ça fait pas trop l'effet. Gros centre commercial. Ouais, voilà, gros centre commercial, marché aux puces, et bien que tu dois acheter chez moi ou là-bas. Enfin, c'est vrai que c'est assez. Il y a pas mal de choses. C'est assez varié. C'est plutôt agréable. Pas qu'une pompe à fric, quoi. Oui, voilà. Oui, on ne prend pas pour un gros portefeuille géant et ambulant entre divers magasins. C'est ça, c'est ça. Donc ensuite, pour la cinquième édition du TGS, donc en 2011, il y a eu quand même 30 000 visiteurs qui ont déambulé, donc c'est pas mal. Ah ouais. Donc on regarde en 5 ans, parce que ça fait une édition par an, mm-hmm. en 5 ans, ils ont triplé leur nombre de visiteurs. Mm-hmm, c'est impressionnant, ouais. Ouais. Et du coup, bah, c'était toujours, pour l'instant, c'est toutes les éditions ont été faites à l'espace Diagora. Donc, comme on l'a dit, un bon petit complexe, mais 30 000 visiteurs. Ouais, c'est un peu. C'est un tout petit peu juste, oui. C'est. Ouais. C'est juste. Après, ouais, la configuration de Diagora. Donc, on va avoir un grand bâtiment avec tout ce qui est amphithéâtre, petite salle d'expo, entre guillemets, hémicycle, ellipse. Mmh. Et on va avoir en fait un grand hall qu'ils appellent espace Agora. Où là, c'est vraiment un hall comme dans les grands parcs d'exposition. Voilà. Mmh. Donc du coup, les deux bâtiments sont reliés par un couloir. Mmh. Et oui, c'est vrai. Et du coup, je sais pas si t'as subi ça, mais moi, je sais que je sais plus si c'était pour ce TGS-là, mais quand on passait d'un bâtiment à l'autre, ce couloir-là, il était bouché. Boucher de chez boucher, personne n'avançait et il faisait super chaud. Donc quand t'es en. Ouais, vas-y, termine, excuse-moi. Ouais, quand t'es en avril, novembre, où il fait un petit peu bon, mais c'est pas non plus. Il fait pas 35 dehors, ni on se les gèle pas, mais c'était quand même un petit peu étouffant. Moi, je me souviens pas, je suis allée à l'Oanami 2013. C'était. J'ai pas le souvenir qu'il soit très très bouché. Bah non, parce qu'en fait, depuis ça, le couloir est que dans un sens unique. Ah d'accord. Maintenant, on est obligé, on passe par dehors en fait. Ah ouais, voilà. L'avantage. Donc du coup, c'est sûr, ça restreint un peu. Ah ouais, voilà. Après, c'est vrai que bon, ce genre de convention faisait toujours quand même chaud. Et puis l'année dernière, faisait quand même exceptionnellement bon. On pouvait pique-niquer et se bronzer au soleil, c'était magnifique. Et c'est vrai qu'il faisait chaud. Je crois qu'il y en a, ils l'ont fait. Ouais, et je plaignais les gens qui étaient en cosplay, oh les pauvres, ouais. Là ils devaient vraiment être. Bah, c'est vrai qu'en cosplay, bah, déambuler comme ça toute la journée, quand il fait vachement chaud, ouais, c'est. On peut vite se tourner de l'œil, je pense. Ouais, voilà. Autant tu devais. Quand c'est des cosplays avec des. Quand c'est des filles qui sont légèrement vêtues, nous allons dire. Oui. Et bon, il y en a pas trop, mais bon, c'est un cosplay qui existe, mais bon, ça va. Oui. Là, ça devait pas trop souffrir de la chaleur, mais alors, par exemple, tiens, je vais me déguiser en creeper de Minecraft. Oui, le creeper, oui. Bon, ça va, je crois que c'est des garçons qui sont sous le creeper, donc ça va. Ouais, non, mais là, je parlais surtout pour la chaleur. ça devait. Même si c'est du carton, ça doit quand même bien garder la chaleur, ça doit bien chauffer. Donc ensuite, on passe suite à cette grosse affluence, et on a vu qu'on arrivait aux limites de capacité d'accueil de Diagora. En fait, le TGS a déménagé et est parti au parc des Expos au centre de Toulouse pour l'édition de 2012. Ouais. Donc cette année, bah, encore un record d'affluence, si on compte 35 000 visiteurs. Donc ça peut s'expliquer par le rapprochement vraiment dans le centre de Toulouse, puisque c'est sur l'île du Ramier, donc c'est vraiment proche. Mmh. Et c'est vrai, c'est plutôt... C'est pas le plein centre, mais ouais. Bon, enfin, de toute façon, ce genre de salle se trouve pas forcément en plein centre, mais ouais, c'est vrai qu'en vrai, c'est plutôt bien. Oui, voilà. Bah, comparé à Diagora qui se trouve à la Beige, c'est plus dans le centre. Ouais, là, on peut y aller en métro, quoi. Ouais. Tu peux aller au TGS, enfin, au Parc des Expos en métro, ce qui est impossible à faire à la Beige. Tu peux utiliser, je crois que, oui, tu as des bus et tout, mais tu n'as pas de. Ouais. Tu as des correspondances avec le métro, mais pour le parc des expos, c'est pareil, t'as pas une station tout à côté, je crois qu'il faut que tu fasses peut-être 800 mètres, moins d'un kilomètre pour. Ouais, moins de 800 mètres, ouais. Ouais, c'est jouable, c'est tout à fait jouable à pied. Puis ouais, pour la Belge, ouais, t'es obligé de prendre le métro et ensuite un bus pendant, je crois, ça va être 5 ou 10 minutes de bus. Si. Donc c'est peut-être un peu plus, ouais. Ouais, voilà, quand ce n'est pas la voiture, carrément. C'est. Oui, ouais, le mieux quand c'est à Diagora, c'est d'y aller en voiture. Ah ouais, là c'est. C'est certain. C'est vraiment. C'est certain. T'as pas de voiture, t'es un peu foutu. Ouais, ça, bah, tu fais avec les moyens du bord. Voilà, ouais. C'est un peu plus compliqué, ouais. Enfin, c'est en bus, ça peut passer, mais encore. Donc du coup, bah, pour en revenir, bah, pour cette convention en 2012, en fait, il y a eu beaucoup de râles. D'un côté, partie visiteurs et organisation. En fait, bah, c'était déjà pour côté visiteurs, bah, on n'était plus à la Belge. C'était plus un endroit qu'on connaissait par cœur comme notre poche. On pouvait y aller. Ah, ils sont où les auteurs? Moi, ils sont à telle salle. Bon, on y va. Là, c'était un petit peu plus compliqué à voir. Je sais pas si toi, t'as ressenti ça. Le premier TGS où je suis allée, c'était celui de 2012, et puis après j'ai fait le Ohanami 2013. Donc moi j'ai fait Ah oui. l'inverse, mais c'est vrai que en comparant les deux, c'est vrai, c'est déjà le parc des expos, c'est beaucoup beaucoup beaucoup plus grand. C'est t'as tout sur un même, oui, sur un même niveau, tandis que à la Diagora, Oui, bah t'as des c'est différents un niveaux. hall générique. Ouais, voilà, c'est Ouais. un hall générique. C'est il y a quatre espaces, c'est très très grand. C'est Après, je comprends qu'il y ait des plaintes du côté visiteur, parce que bon, moi je connaissais pas la salle de la Diagora avant, mais même s'il y avait des petits problèmes d'organisation, notamment il y avait beaucoup de files d'attente, c'était assez. Oui. Je pense qu'ils s'attendaient pas autant de monde aussi. Bah ouais, bah en même temps c'est on peut pas trop leur reprocher, ils connaissaient pas trop les lieux, comment gérer ça, c'est vrai, on peut pas trop leur jeter la pierre dessus. Ils ont fait comme ils ont pu et voilà. Après ça reste quand même c'était bon. Il y avait certes beaucoup de queues, mais en même temps 35 000 personnes, bah Bah oui. ça fait quand même du Ah oui, peuple. mais tellement, oui. Mais ouais, c'est vrai que pour en revenir bah, sur les queues interminables, moi je me rappelle d'un stand, donc c'est le stand de Bob Lennon et Joueur du Grenier, Oh donc qui mon sont Dieu, oui. deux youtubeurs assez célèbres. La queue faisait tout le tour de leur stand, donc c'était un petit carré où on pouvait tourner autour, et la queue pour les dédicaces, elle faisait tout le tour du carré. Ah ouais, non mais c'était une horreur. Moi j'avais essayé d'y aller quand même pour voir. C'était fermé, c'était la queue impossible. C'est le problème là du parc des expos, c'est qu'il y a tellement de monde et c'est des trucs génériques, donc souvent t'as les queues, tu sais pas trop où elles commencent, elles sont souvent très longues, c'est un petit peu le problème. Et pourtant, il me semble, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais les allées, c'était pas peut-être pas les plus grandes, mais en moyenne, elles étaient plus grandes que la plupart des conventions de ce type-là. Et quand on voit que ça, ouais, ça, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais quand tu vois que bah t'as quand même un petit peu de bouchon, tu dis ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de Ouais, monde. parce que t'as pas trop d'équivalent après dans. Après, t'as Paris, t'en as Marseille, tout ça. T'as pas trop d'équivalent déjà dans le sud-ouest. C'est peut-être le gros. C'est la grosse convention du sud-ouest, enfin, en ce qui concerne tout ce qui est culture pop, geek, animé, tout ça. Et bon, après, dans le sud, t'as vers Marseille, mais bon, c'est pas les mêmes dates et tout ça. Oui, c'est pas C'est pas pareil. pareil, c'est. Y a plus de monde qui vient parce que c'est à peu près la seule qu'il y a dans le coin. Donc voilà. Ah, ouais, ah, de cette, ouais, on va dire, de cette aura-là, de ce rayonnement-là, ouais, c'est vraiment de ce que moi j'ai entendu dire. Je sais pas si ça doit être pareil pour toi, mais c'est dans le sud-ouest, c'est Ah TGS. ouais, non mais. Après, ça va être des toutes petites conventions, mais elles existent. Ah ouais, mais c'est. T'as TGS et après t'as la foire au gras, quoi. Non, je suis un peu vache, mais non, c'est vrai que les grands événements de ce genre, t'en as très très peu dans la région, voire même dans la ville. Enfin, t'as la foire de Toulouse qui se déroule aussi en mars-avril, mais c'est pas du tout la même chose. C'est. Ouais. Oui, ouais, ça fait pas venir les mêmes Ah non, personnes, ni du tout, rien, du tout. donc Donc, ouais. c'est vrai que dans le genre, sur ce créneau-là, il y a vraiment que le TGS, quoi. Je vais pas ailleurs d'ailleurs pour le moment. fidèle. Donc par rapport, oui, donc pour revenir vite fait sur ce petit couac de 2012, donc il y a une interview de Sébastien Laurence qui a été donnée sur un site et justement il revient sur ces problèmes-là. Donc c'est, on sent déjà que bah il y a pas de langue de bois. Il dit bah oui, on a fait des erreurs, on peut les corriger, mais il y a d'autres trucs bah on n'a pas pu faire autrement. Donc je vous invite à aller, donc ça sera sûrement dans, ça sera dans le blog, dans le billet du blog. Donc il y aura le lien, vous pourriez aller le lire. Donc ensuite on passe à mars 2013. Il se passe quoi en mars 2013 pour le TGS? Donc il y a une autre convention, c'est ça qui s'est déroulé en mars 2013? Ouais, c'est ça. C'est, ils ont co-créé, ouais, avec la société Shibuya International, une autre convention à Monaco qui s'appelle Monaco Anime Game Show. Donc retracté en mag. D'accord. C'est les mêmes qui, c'est les mêmes organisateurs du TGS qui sont associés avec cette société. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est eux. Ah d'accord, je ne savais pas. Mais après, j'ai pas eu trop de retours dessus. Je n'ai pas trop. Je sais pas si toi tu. Je connais la convention, mais je la connais très très peu. Ouais, juste de nom, et ouais, tu sais que bah c'est une convention Japanimation classique. Ouais. Ouais, voilà, après, bon, aussi c'est leur c'était leur première année d'existence, c'est sûr que c'est un peu, il y aura pas beaucoup beaucoup d'écho. Ah oui, quoi. Et puis manque de chance du calendrier, à Marseille, il y avait Japan Expo Sud pendant ce même week-end. Ouais, aussi. Donc c'est sûr, ça c'est un peu plus compliqué parce que en plus. Et ouais. Oui. Bon, il y a eu qu'une convention pour l'instant, mais bon, c'est pas dit qu'il y en ait plus du tout ou qu'il y en ait d'autres, donc c'est à voir. C'est à suivre. Pour la dernière édition du TGS classique, donc la 7e, qui s'est déroulée du 31 novembre au 1er décembre 2013, il y a quand même eu 44 000 visiteurs. Ah wow! Il y a encore plus de monde qui vient, comme quoi, bah ça marche, il y a du potentiel et bah. Peut-être que ça continue. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais c'était mieux... J'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde que celui de 2012. Peut-être parce que c'était mieux géré aussi. J'ai l'impression qu'ils étaient... Ouais, moi je sais, j'ai un peu... Parce que là, c'était pareil sur 3 ou 4 halls. Bah 3, vraiment 3 halls utilisés pour bah, les stands et compagnie. Mais j'ai vu y a des moments où bah, c'était pareil, tu pouvais plus bouger. Il y avait un peu de monde, mais là c'était pas vraiment dû, ouais, qu'il y ait une file. C'était tiens, on s'arrête pour regarder les stands, donc du coup bah c'est une file normale, bah tu t'arrêtes, ça bouchonne un tout petit peu. Ouais, de toute façon dans les conventions, les moments où tu bouges pas, c'est un peu bizarre, hein. Enfin je veux dire, oui. T'as toujours des moments où voilà, où t'as, où ça fait un peu de bouchon, oui. Ouais, voilà, donc ça c'est assez normal, mais après il y a eu moins de cohue que celui de 2012. Puis ils avaient fait aussi une salle un peu à part. C'était plus où t'avais tous les web-séries. Toutes les web-séries, voilà, qui étaient ouais. Qui étaient aménagées d'un côté. C'était assez à part, donc ça laissait circuler plus de monde. Puis aussi les salles. J'ai l'impression pour les conférences. Enfin, je sais pas. J'étais pas trop allée aux conférences en 2012. Enfin, même je n'y étais pas allée, mais je sais pas si tu penses la même chose, mais j'ai l'impression que c'était un peu mieux foutu, les salles, c'est-à-dire c'était dans des endroits qui étaient plus faciles d'accès, peut-être, où c'était t'avais moins de queue ou trucs comme ça. Enfin, il y avait beaucoup de la queue dans les conférences, c'est pas ça, c'est... Ouais, mais c'était mieux géré, je trouve. Oui, non, mais c'est l'impression. Parce que je me rappelle pour 2000, donc du coup pour la version de 2012... Donc la première fois où ils étaient à l'expo, au parc des expos, il y avait la gestion de queue, bah c'était une grande queue qui était dans l'allée. Pour l'amphithéâtre, tu te dis ouais. Bon alors. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Là, du coup, ouais, c'était beaucoup mieux géré au niveau des queues. Bah t'avais vraiment un serpentin pour les queues et voilà. Ouais, voilà, c'est l'impression que ça, c'est l'impression que j'avais aussi. Donc. Chapeau les enfin, mecs. On est raccord. Voilà, tout à fait. C'est un bon ressenti, une bonne amélioration. Du coup, bah, suite, on arrive en début d'année. Il y a eu une petite annonce qui a été faite. Donc, c'est le changement du nom TGS Ohanami en TGS Spring Break. Donc, qu'est-ce que toi, t'en as pensé de changement là? Alors, moi, au début, quand ils ont dit le nom, ça m'a... J'ai fait... Quoi ? C'était... Je suis sûr que t'as pensé au film. Au film, mais bon, pas qu'au film. Bon, j'ai pas vu le film, mais bon, je sais très bien la réputation qu'il a et Ouais. rien qu'à la bande-annonce, Bah, tu as une moi, c'est pas, tétanie? j'ai pas vu et c'est, ouais, on m'a dit, oui, non, mais il faut pas voir ce film, c'est nul, c'est la drogue, la boisson, des personnes courvêtues et voilà, c'est vraiment l'esprit Spring Break américain, mais tourné vraiment d'une certaine façon. Ouais, voilà, c'est après. Je critique pas le film, je l'ai pas vu, donc c'est pas. Voilà, le film est ce qu'il est, voilà, c'est. C'est surtout, hein, voilà, c'est tout le côté Spring Break, mais le Spring Break américain, où c'est donc les étudiants qui vont, après les partiels de premier, second semestre, trucs comme ça, qui vont, ils vont se faire un petit voyage au soleil, à Ouais, Miami, ils veulent changer leurs idées Californie. et voilà. Ouais, voilà, donc c'est pas les orgies, mais bon, c'est très, c'est, Oh, on c'est se les fêtes lâche. d'étudiants. Voilà, c'est Voilà. ça, c'est ça. Donc, moi, quand on m'a dit, tiens, ça va s'appeler TGS Spring Break. D'accord. Pourquoi? C'était. Puis du coup, on part de l'esprit culturel japonais qui était bon. Présent mais de moins en moins pour un côté plus américain parce que bah, durant les diverses éditions il y avait vraiment bah, moi j'ai perçu ça comme ça moins le côté culture japonaise mais plus d'invités de séries d'acteurs de séries donc c'est vrai en même temps ça peut se comprendre le changement de nom. Oui, après c'est justement moi la première fois qu'on me l'a dit, si j'étais pas tout à fait d'accord, j'avais pas compris. Après c'est comme ils l'ont expliqué, je trouve que ça se justifiait. Enfin, c'était une bonne explication et c'est on a dit bon, c'est pas pour le Spring Break tout ça. C'est pas pour donc toute cette débauche des étudiants aux États-Unis, c'est vraiment Oui, pour qui font la fête, c'est ouais, c'est vraiment en fait le côté bah, culturel plus que beuverie. voilà, et c'est aussi un peu l'avant-vacances. Ça se passe quand ça ne se passe pas pendant les vacances de Pâques, ça fait le break, c'est le retour des beaux jours. Là ça va, j'ai trouvé leur explication. Ça, j'ai été convaincue. Enfin, je préfère quand même au Hanami. Rien que pour le son, je trouve ça plus joli à entendre, Oui, mais bah, c'est vrai, Owanami, bah, après, c'est pas la même, oui, ça n'a pas la le même même connotation, ressenti. oui. Ouais, voilà. Ça n'a pas la même connotation. Mais c'est avec leur explication, j'ai dit ok, si vous voulez l'appeler comme ça, ok, ça me suffit. Votre explication me suffit. Donc ça, c'est Ouais, bien. bah, j'ai eu le même, même ressenti que toi, et je sais, bah, à ce moment-là, j'en ai parlé aussi sur Twitter avec Cubertoy, et c'était pareil, on a eu le même ressenti, on a fait bah non mais c'est complètement débile bah, à mon avis tout le monde a eu ce genre de réaction non mais c'est le changement en fait on n'aime pas le changement c'est tout Oui, un peu de ça aussi, oui. oui et puis je crois aussi bah, par rapport je reviens sur Japan Expo aussi c'est je crois quelques semaines avant l'annonce du changement de nom du TGS ou Hanami, Japan Expo a annoncé que cette année pour les 15 ans il y aurait 5 jours de salon au lieu de 4. Ah, d'accord. Ouais, et du coup, bah, il y avait tout le monde, il y a eu un hashtag Japan Expo 2047 ou un truc du genre, où bah, tout le monde se lâchait et donnait, bah ouais, bah, il y aura 4 mois de convention, des conneries de Ah genre là. ouais, d'accord. Ouais, je vois. Et il y avait aussi, d'ailleurs, tu m'y fais penser, mais il y a d'ailleurs le Comic Con à Paris qui a été enfin, qui n'est Oui, pas présent pour ok, cette oui. année, en tout cas. Qui a été, oui, parce qu'avant il y avait Japan Expo et en même temps Comic-Con, donc partie Japon et partie culture américaine. Et cette année, ouais, pour les 15 ans, du moins, ça sera pas en même temps, ça sera après ou l'année suivante. Oui, cette année, je le faisais pas du tout, Ouais. donc faudra Bah voir. après, pour eux, ça se comprend. 15 ans, gros anniversaire, ouais, c'est. Oui, à la limite, ça peut se comprendre. Oui, je comprends après qu'ils veulent avoir un peu plus de place, peut-être. Ça peut se comprendre en effet. Donc du coup, on revient sur notre Oui, sujet un petit peu. un petit peu. Donc du coup, ouais, donc changement de nom et donc les dates sont annoncées 12 et 13 avril 2014 et c'est là où on va traîner nos petites jambes. Tout à fait, tout à fait. Donc après, bah c'est convention Japanimation, même si bah là c'est un petit peu américanisation, on va dire. Oui, il y aura un peu moins de ça, oui. On va retrouver, ouais, donc il y a plusieurs pôles d'invités, comme à chaque convention de ce type-là. Pour les invités télé, donc on va avoir Daniel Portman, donc qui incarne Podrick Payne dans Le Trône de Fer, donc qui est l'écuyer de Tyrion Lannister. On retrouve aussi James Cosmo, qui incarne, alors j'ai mal le prononcer, mais ça va être Jaehaur Mormont. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça devrait aller, enfin, c'est pas moi qui vais dire si ça se prononce bien ou Oui. mal dans la série, mais non, ça a l'air d'être bon. Et donc lui, il vient aussi de la série Trône de Fer, et il incarne, il me semble que c'est le chef de la garde de la nuit, j'avoue, j'ai pas été vérifié si c'est bien ça, mais dans mon souvenir, il me semble que c'est le chef de la garde de la nuit. Ça se peut, enfin, je crois, oui, vu le costume, ça a l'air d'être ça. Et petite info aussi sur ces deux acteurs, en fait, ils devaient aussi être présents au TGS de décembre, à côté de Christian Nern, si j'ai mal prononcé, qui incarne Hodor. Donc voilà, donc finalement sur les quatre acteurs du Trône de Fer, on a eu que Hodor. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Oui, voilà, c'est déjà ça, oui. On va retrouver Julian Glover, donc qui incarne Maître Pycelle dans le Trône de Fer. Mais par contre, il sera présent que le samedi. D'accord. Après, c'est calendrier des auteurs, des acteurs et des invités. Voilà, au moins il est là, on peut avoir des trucs le samedi. Voilà. Ensuite, on va avoir, attention, je vais me boucher les oreilles, Sylvester McCoy. Connu assez récemment pour être Radagast le Brun dans Le Hobbit, mais aussi et surtout pour les fans du Docteur, l'incarnation du 7e Docteur. Oui. Personnellement, c'est pour ça que je l'attends. On ne sent pas du tout la fan en toi, pas du tout. Non. Pourquoi tu dis ça? Oh, Tennant! Chut, chut, ça sera pour les prochains. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Ensuite, dernier invité pour le pôle série TV, donc ça va être Tori Higginson. Elle incarnait Elizabeth Ware dans la saga Stargate Atlantis. Donc, je crois que c'est tout pour les invités télé, c'est ça? Ouais, c'est tout ce que j'ai noté. Bah là, par contre, j'ai annoncé que ceux qui sont prévus, il y en avait d'autres, mais qui ont annulé pour diverses raisons. Ouais, voilà, c'est soit des problèmes de santé, soit des Oui, ou planning. des plannings, ils sont en tournage, ces trucs comme ça. Ouais, voilà. Donc après, il y a les web-séries, c'est ça? Ouais. Donc en web-série, il y aura, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Kapow? Kapow? Kappa? Ouais, je crois que ouais, Capo. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. Je m'excuse si jamais je vais Ouais. écorcher le nom de la série, ça. Alors, moi je m'y connais pas trop en web série, donc je sais pas si toi tu peux, si tu la connais toi ou. Pour avoir, j'ai pas vu la web série, mais je sais que sur leur stand, ils ont un principe bizarre, c'est un truc de téléportation à base de lardons dans de la farine. D'accord. Alors, je sais pas si c'est leur stand, parce que je sais que l'année dernière et pour le Ohanami de l'année d'avant. Il y avait ce stand-là avec justement un truc de téléportation avec des lardons dans de la farine et une histoire là-dessus. Après, je suis pas allé regarder la série. J'aurais peut-être dû. Peut-être que c'est bien. À voir. D'accord, ben voilà, peut-être si je passe devant, je verrai s'il y a ce fameux téléporteur. Enfin, ce principe de téléportation. Oui, ça se trouve, c'est complètement une autre série. Hein. Ça se trouve, je confonds les deux. Hein. C'est possible. Ouais, enfin, bon, ils y sont, c'est déjà bien. Oui. C'est bien d'y être. Après, il y a évidemment Noob qui revient chaque année pour le TGS normal, le TGS Ohanami, Ouais. avec. Ils font beaucoup pour revenir pour un petit peu sur Noom, ils font quand même beaucoup beaucoup de conventions. Oui, ils font beaucoup de conventions, mais surtout le TGS, c'est des fidèles et ils reviennent chaque année. C'est aussi peut-être parce que c'est dans le sud, tout ça, c'est pratique C'est aussi. ouais. Pour eux, c'est plus proche Ils pour eux sont de que Toulon, Paris. c'est ça, ou quelque chose comme ça? Ouais, il me semble que c'est Toulon. Ouais. Et d'ailleurs, qui vannent à chaque fois sur des matchs de rugby avec le Stade Toulousain et l'équipe de Ah rugby toulonnaise. oui. Ouais, c'est vrai qu'ils charrient un petit peu lors des conférences ou des. Ouais, Quand ils voilà. sont, quand ils ont le micro, ça charrie un peu. Ouais, Oh, cette bonne guerre. ouais. Oui, totalement. On va les écraser, mais totalement. non, mais en plus, ils font très bonnes conventions. C'est leurs interventions sont souvent très très bien. C'est moi, j'aime bien les voir. Donc, il y aura Noob avec GBX et Petulia de Reflet d'Acide, qui aussi commencent à être apparemment des réguliers des conventions. Ça Ouais. fait 3 fois à peu près qu'ils vont venir avec eux. Bah ouais, je pense que c'est parce que ils se sont rapprochés de Noob, qu'il y a eu des interactions entre eux, que bah du coup ils sont dans la série, du coup ils viennent aussi. Ouais, voilà. C'est après, j'ai pas tout vu de Noob, je le reconnais. Je suis à peu près aux premières saisons et c'est. Mais apparemment, ils font beaucoup de boulot avec Noob, tout ça, et sans délaisser pourtant, je pense Reflet d'Acide, qui est une saga MP3. Ils ont fait une BD, un jeu de plateau aussi. Ouais, C'est. bah le jeu de plateau, ils sont en phase de prototypage. D'accord, donc ils vont faire un jeu de plateau. Ouais. Voilà. Donc, et après, la web série Purgatoire, donc qui était la gagnante du. Alors, je sais plus exactement le nom, mais c'est le festival des web séries francophones qui avait lieu au TGS de l'année dernière. Enfin, le TGS normal de 2013. 2013. Après, il y a Sweet Brain Effect. Alors, si je ne dis pas n'importe quoi, c'est une web série toulousaine, je crois. Donc c'est sur des histoires de zombies, c'est sur comment on peut c'est ça je l'avais un peu vu lors du dernier Ohanami ou oui c'était le dernier Ohanami. C'est apparemment c'est donc comment on va il y a eu une invasion, enfin il y a eu les zombies, il y a les zombies tout ça et ça va être comment on va les intégrer si je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, comment on domestique les zombies et comment ça se passe après la domestication? Voilà, c'est ça. Donc et c'est des Toulousains, donc voilà. Mais encore une fois, big up. Ouais. Donc, non, je suis pas du tout Si, pro. si, la famille. C'est ça, je représente. Donc après, il y a. Alors, j'ai peur d'écorcher le nom. Tom Bielinski. Ouais. Ah bah. Donc, Je pense que ça doit être ça. pour le sceau de la corruption, alors moi je ne sais pas trop ce que c'est, je dois l'avouer. C'est un. Bah, il est dans la catégorie web série, mais il me semble que c'est plus un film amateur. D'accord. Donc voilà, avec d'autres comédiens de doublage apparemment. Ouais, c'est. Bah, en fait, c'est un peu comme le principe de Saturday Man. Je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. En web série, Alors, en je suis fait, assez. c'est. Bah, enfin, bref, du coup, là, c'est en fait. C'est un film et ça a été redoublé bah, par des comédiens de doublage assez connus. D'accord. Donc du Si. coup, Vas-y. je vais sauter directement pour les comédiens de doublage, du coup, vu qu'on parle du sceau de la corruption. Donc du coup, on va avoir Brigitte Lecordier, donc, qui est célèbrement connue pour avoir fait la voix de Son Goku de Dragon Ball, d'être la voix de Oui-Oui. C'est mon enfance, oui, c'était Oui. trop bien. Et là, elle fait aussi la voix de Ninou de la série Allô, c'est Ninou. Qui est un des canulars radiophoniques Ah d'accord, ouais, je ne où elle savais prend pas en trop. fait la voix d'un petit garçon puis elle fait Allô, c'est Ninou, est-ce que tu viens me chercher à 14h? En parlant de ça à un garagiste. Et donc du coup bah elle enchaîne comme ça une petite conversation et il me semble que ça passe sur Canal+. D'accord, ah oh, c'est. J'aime bien le principe, c'est sympa. Oui, bah c'est drôle, et puis bah, elle part sur bah, des fois ces conversations de 2-3 minutes, et puis bah, voilà, tu rigoles bien parce que ça part n'importe où. Ouais, voilà, c'est un peu le principe du canular aussi, c'est. Oui. Ensuite, on va avoir Damien Boisseau, donc qui est la voix d'Edward Norton, et de Matt Damon, et de plein d'autres que j'ai pas noté, mais du coup on reconnaît un petit peu peut-être la voix. On va avoir Emmanuel Curtil qui fait Dean Cain de Superman et Jim Carrey dans The Mask. Ah, Jim Carrey. J'aime beaucoup Jim Carrey, donc avoir la voix, c'est quand même sympa. Surtout The Mask ou un truc comme ça, qui a... la voix, elle colle assez bien au personnage. Enfin, à l'acteur plutôt. Et Oui. non, c'est plutôt... Enfin, c'est plutôt... Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Bah c'est vrai, en plus bah le je trouve que dans les conventions comme ça, bah je le vois plus par rapport au TGS, parce que j'ai fait plus de conventions TGS que Japan Expo. Ils sont beaucoup plus mis en valeur, les comédiens de doublage, je trouve. Ah d'accord, je pensais qu'il je savais même pas qu'il y en avait Japan Expo, Comic Con, tout ça, je pensais pas qu'il y en avait. Bah il va y en avoir, mais ça va être plus avec les acteurs de série, je pense. D'accord. Ouais, ça fait un peu. Il y a aussi mon TGS, c'était un peu le côté régression, quoi. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y a ça à Japan Expo. Mais il y a beaucoup de. On reviendra, mais on entend beaucoup de génériques de dessins animés, il y a des Oui. comédiens de doublage, donc c'est, enfin, notamment de dessins animés, et c'est assez, ouais, il y a pas mal, il y a un côté un peu régression aussi, un côté retour en enfance, tout ça qui est assez récurrent, je trouve, dans la, dans ce TGS, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pour ça qu'on y revient en fait. Voilà, la Madeleine de Proust. Donc après donc les comédiens de doublage, il y a pour la musique, il y a Nicolas, alors attention, Horvat, je crois. Horvath. Horvat qui est là pour le concert Final Fantasy en piano opéra, ce qui peut être assez sympa si on Ouais. aime le genre. Après donc il y a un groupe franco-japonais qui s'appelle Lamia CrossFit Lutetia. Lutetia, je sais pas trop. Moi, je pense que ça va être Lutetia. Ouais, peut-être. Donc, me jetez pas de pierre si jamais je prononce mal. Il y a One-Winged Pianist. Donc, c'est sur des reprises de musique d'animé au piano. Ce Et qui était qui. déjà venu lors des précédentes conventions. Et après, il y a un groupe toulousain de pop folk. Ouh, ça peut me plaire. Qui est Aérisiane, oui, quelque Ouais, chose comme là par ça. contre je sais pas, ouais, on va dire que c'est comme ça. Il y a la pop folk, la pop folk, ça voilà. Comme moi j'aime beaucoup ça. Ça peut être très intéressant. Et donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Paul? Après, bah, on va retrouver le pôle jeu vidéo. On va voir Paul Cuisset, pardon, qui est invité d'honneur pour cette convention. Comme Et en fait, le TGS normal en fait de 2013, si je ne dis pas n'importe quoi. bonne question. C'est M'en pas non plus rappelle très pas. important. C'est pas très important non plus. Ouais, mais toutes remarques sont bonnes à dire. Donc il a fait le jeu Flashback et Les Voyageurs du Temps, ainsi que d'autres jeux vidéo de bon temps. Ensuite, on va voir, alors je vais juste dire les initiales, parce que je crois qu'il est plus connu pour les initiales, donc ça va être AHL, qui est journaliste jeux vidéo, donc qui était dans, alors je ne les ai pas notés, donc ça va être de mémoire, donc ça va être Joystick, et des revues de jeux de vidéo. On l'a vu peut-être, ça va peut-être rafraîchir la mémoire dans un chez Marcus avec d'autres journalistes. Bon, du coup, D'accord. si y en a, ils connaissent l'émission chez Marcus, ils vont peut-être pouvoir voir qui est AHL. On va bah, D'accord. retrouver Marcus, Évidemment. voilà. Donc qui est aussi un journaliste jeux vidéo et il présente différentes émissions sur la chaîne No Life. Il fait des interventions pour Micromania et pour d'autres sites de jeux vidéo. Donc après donc les jeux vidéo, il y a après un pôle assez important d'auteurs, illustrateurs, dessinateurs, que ce soit donc pour les comics, pour les BD, pour Je crois que c'est les. des romans graphiques et après ça des romans normaux. Ouais, voilà, il y a. Enfin, c'est tout pôle auteur en général, quoi. C'est tout. Ouais. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, il y a. Bon, là, il est assez conséquent. Donc, il y a. Alors, attention. Marc Van Straassile. Alors, je suis. Strassil, je pense. Strassi, oui, je suis absolument désolée si j'écorche le nom. Donc, dessinateur pour Yokozuna. Donc, ça, je Ouais. pense. Je sais pas si tu connais. Moi, je suis plutôt Non, j'ai bi. juste vu, pareil, je connais pas, j'ai juste vu, c'était un roman graphique. Donc, D'accord. ouais, j'ai pas été chercher plus loin. D'accord. Donc, il est avec Jérôme Hamon, donc qui est le scénariste de ce même roman graphique. Il y a Adrien Thomas, donc auteur de La Geste du Sixième Royaume, par exemple, qui a l'air, donc c'est plus de l'heroic fantasy là, Ouais, je apparemment. pense, ouais, par rapport aux autres titres qu'il a fait, ouais, ça va être plus dans cet univers-là. Donc il y a Arthur Morgan, donc rédac en chef de steampunk.fr et co-auteur du guide steampunk. Donc si vous aimez bien ce genre d'univers, à mon avis, ça peut être intéressant d'aller le voir. David Lafuente, donc qui est un dessinateur de comics, qui a notamment fait Ultimate Spider-Man, New X-Men, etc. Ouais, il fait beaucoup de comics pour Marvel. Dominique Doué, pardon, qui est donc aussi un auteur De romans. ouais, voilà, de romans. C'est, je sais pas si c'est de la SF ou si c'est de l'heroic fantasy. C'est, si vous connaissez, il a fait L'Homme Passe-Temps, Car les temps changent, Thomas, etc. Elsa Chartier, donc dessinatrice pour des BD, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, J'ai bon, on peut dire Le Garde républicain, qui est un comics français, D'accord. qui est sympathique à lire. D'accord. Donc c'est si c'est validé par Azertov, ça doit pas être mal. Il y a donc aussi Pierrick Collinet qui est donc toujours dans Le Garde républicain, enfin, notamment. Après, Gérald Parel, moi qui fais bah, dessinateur pareil de comics. Donc on va citer Iron Man vite fait. Karim Berouka, qui est un auteur, et pareil, je pense que ça va être bah c'est à mon avis les auteurs qui sont présents, c'est ouais surtout SF, steampunk. SF, Je pense que ça va être steampunk, ça, et ouais, et heroic heroic fantasy. fantasy. Ouais, voilà, je pense que c'est Donc il a fait les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables. Voilà, hein, Voilà. ça en dit sur le nom. Ensuite, on va retrouver Mahmoud Asra, donc qui est aussi un dessinateur de comics. Donc, il a fait Star Wars, Nova, voilà. Mathieu Gaboury, qui est un auteur à succès des chroniques du Crépusculaire. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je me semble avoir vaguement entendu le nom, mais je, enfin le nom de ce bouquin, mais je ne pourrais pas dire. C'est, je crois que c'est de soit de l'heroic fantasy, soit Ouais. enfin c'est pas de l'ASF à mon avis, c'est de l'heroic fantasy, je pense, mais ce serait à confirmer. Oui. Après, il est aussi connu pour avoir fait des jeux de rôle, donc Agon et Crime. Donc, voilà, ça. S'il est là, c'est que ça peut être que bien. On va avoir un Français qui s'appelle Paul Renaud, qui est aussi un auteur de comics. Donc, il me semble qu'il est plus dessinateur que. Scénariste. Qu'auteur, ouais, que scénariste, voilà. Donc il va avoir fait Catwoman, Fear Agent, X-Men, voilà. On va retrouver Philippe Briones. Alors je sais plus si on doit prononcer le S final ou pas. Donc il a travaillé pareil, c'est un auteur de comics assez connu dans le milieu. Donc il a fait Marvel, Namor, Spider-Man, etc., etc. C'est les auteurs de comics, donc ils sont attitrés souvent sur plusieurs titres. Ouais, On va voilà. retrouver Stéphanie Hans, qui est dessinatrice de Kid Loki, donc qui est aussi un côté comics. Et le dernier que j'ai noté, qui est très difficile à prononcer, donc je vais sûrement mal le dire, Yildare Sina. Il dirait plus, je crois. Yildiré? Ouais, Yildiré, oui. Donc qui a fait, pareil, Teen Titan, Supergirl, donc là ça va être plus du DC que du Marvel en termes de comics. Oui, apparemment c'est Batman, Superman aussi. Plus DC. Après, Ouais. DC, Marvel, tous les Oui, camps, tout ça, tout ça. c'est du comics, ouais, on va englober ça dans du comics, Voilà. donc de la BD Parce qu'on est que paix américaine. et qu'amour, n'est-ce Oui, on veut froisser personne. pas? C'est ça, tout à fait. Donc du coup, bah, on a fini avec la liste des invités. À part s'il y a des annonces de dernière minute suite à des désistements, ouais, donc pour l'instant la liste elle est comme ça. Donc après, bah, c'est une convention, donc il y a forcément des animations. Et bah là, convention de Japanimation entre guillemets geek, donc on va retrouver du cosplay. Évidemment. Beaucoup de conférences. Donc, je crois que principalement tous les auteurs qui sont présents ont une conférence pour je eux. Crois. Donc là, après, j'ai surtout noté chose qui ressort, c'est en fait vu qu'il y a beaucoup d'auteurs de comics, il y a une conférence spéciale des auteurs de comics le dimanche à 14h. Donc c'était vraiment le petit focus que je voulais faire sur les conférences en particulier. Et voilà. Après, il y a aussi les acteurs de séries télé qui vont faire une convention, enfin, qui vont faire une des le conférences. Samedi. Ouais, voilà, une le samedi, une le dimanche. Donc c'est voilà. Après, bon, il y a des autres séries. Ce que je trouve aussi de bien avec le TGS, pour faire une petite aparté par rapport aux conférences, c'est qu'ils font souvent des conférences thématiques. Oui. Je crois que c'était donc pour le Ohanami de l'année dernière où il y a eu la conférence des réalisateurs de web-séries. Oui, je crois que ouais, tu as raison. Il me semble que c'est je qu'il crois y que a c'est eu l'année ça. dernière. En tout cas, oui, il y a eu cette conférence-là parce que je l'ai vue, puis il y a la vidéo sur Internet où bah c'était on retrouvait en fait beaucoup de réalisateurs de web-séries qui étaient présentes sur cette convention. Il y en avait, je crois, une dizaine. Et donc du coup, bah on avait c'était pas des questions-réponses, mais c'était plus un débat dirigé par Davy Mourier, qui fait de la BD, qui a fait de la web-série pour Nerds, Karate Boy, donc il connaît un petit peu le milieu, et il posait des questions sur cette conférence avec les autres réalisateurs. Donc, personnellement, bah, cette conférence-là, j'ai bien aimé. Donc du coup, je pense que la conférence sur les auteurs de comics, ça va être un petit peu pareil, donc je pense que je vais y traîner mes petites gambettes. Ça peut être une bonne idée, en effet. Ensuite, au niveau animation, bon, on va retrouver des quiz, des activités culinaires, parce qu'il y a un stand japonais de préparation pour faire des plats, des bento, etc. On va avoir, je pense, que ça va faire comme à chaque fois qu'on est à Diagora pour le TGS, on va avoir la salle Coucou Circus, oui. Où on va être du karaoké sur les génériques de début et de fin de séries télévisées, de dessins animés, etc. Oui, voilà. Donc, il y a souvent du karaoké et des petits quiz avec Coucou Circus. Donc, il y aura sûrement du Code Lyoko à fond les oreilles, du Pokémon, ouais, du Pokémon, du... Oui. Pas du Albator, mais Goldorak. Ou... Oui, c'est des classiques qui reviennent. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, sûrement. Après, du coup, on peut faire un point sur les nouveautés de cette édition, qui est... Bah, qui prend le nom de Spring Break pour les joies en extérieur, la sympathie, c'est qu'en fait, il va y avoir une fête foraine à l'extérieur de l'enceinte. Il y a un grand manège à sensation style pendule. Donc c'est à voir. Oui, enfin, surtout toi. Moi, je vais pas y aller, c'est certain. C'est le genre de truc que je n'aime pas du tout. Donc, c'est... Enfin, ce genre de manège à pendule, tout ça. Donc, si vous aimez, pourquoi pas. Après, si vous êtes... si vous avez des problèmes cardiaques ou si vous êtes complètement flippé, un peu t'es pas comme moi, c'est peut-être à éviter. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne idée, je pense. Ouais. Ensuite, bah, on va retrouver des stands de sumotori où on va mettre des grosses combinaisons pour se si vous aimez le ridicule griner, mais pour avoir ouais voilà, on est un sumo donc du coup on a grosse carapace, on peut pas faire des mouvements trop amples, ouais, donc ça peut être drôle. On va retrouver des joutes, donc là je sais pas, sur la photo ils montraient que c'était des grandes frites et puis on se donnait des coups pour essayer de tomber, je pense que ça doit être ça. Ouais, on est comme sur un, je pense que c'est ça, c'est... On est sur une poutre. Bon, s'il y a des matelas en dessous, ou... enfin de la flotte s'il fait beau, mais je pense que ça va être des matelas ouais, gonflables. Ouais, après il va faire un petit peu encore frisqué. Ouais, voilà, donc. Et puis, c'est peut-être à éviter aussi. Pour les filles, si vous êtes en robe ou en jupe, je pense que c'est un petit peu à éviter, je crois. Enfin, au cas où, après. Peut-être, mais c'est. Avec non mais ça peut être sympa, mais s'il fait froid. Mais voir comment s'organiser. À mon avis, je pense Ouais. pas que ça doit être de l'eau. Ça va être plus des matelas, je pense. Oui, des tatamis, des trucs comme ça Ouais. doit être ça. Je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qui fait pas plus américain que de retrouver des flippers? Ouais, les fameux flippers. Retour dans les années 80. Oui. Non, mais ça. Plus c'est gratuit, je crois, les flippers, donc ça peut être. Toutes les activités sont gratuites. Oui, donc ça c'est plutôt sympa. Et il y a Ouais. aussi une borne d'arcade. Enfin, il y a des salles. Non, pas Oui, des il peut y salles. avoir, ouais. Des. Oui, voilà, des bornes d'arcade à l'intérieur du Ouais. TGS pour si vous voulez jouer à du Street Fighter, à du Mario 64, Super Oui, Mario ça, 64, un à truc mon comme avis, ça. ouais, il doit y avoir encore, puisqu'on n'a pas annoncé, mais dans les partenaires, il doit y avoir le Nintendo League. Donc du coup, il Ah doit y oui. avoir ouais, Voilà. Et tout ce si. qui est jeu Nintendo avec une Wii U en démo, des 3DS et puis voilà. Tout à fait. Et même pour les bornes d'arcade, là, c'est en partenariat avec une salle d'arcade qui est sur Toulouse. C'est, je crois, si je dis pas n'importe quoi, c'est la seule qu'il y a sur Toulouse. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui ont, si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans le centre-ville ou tout Oui, ça, ouais, je vois plus le nom, mais je sais, ouais, elle est en face d'Epitanium. Il me semble. Peut-être, ouais, non, je crois que c'est pas loin. Si vous connaissez Toulouse, je crois que c'est pas loin de la rue Bayard. Donc, si vous voulez jouer en arcade, c'est pas très loin. C'est dans le centre de Toulouse. Ça peut être sympathique. En plus, c'est pareil qu'il y a pas mal de jeux. Il y a des nouveautés, mais il y a aussi des jeux rétro. Il y a Ouais, peut-être des de la joie. flippers, etc. Donc, c'est. Moi, j'y suis allé qu'une fois pour un. Parce qu'il y a Epitanium aussi avec le TGS. Bah, je sais pas si c'est affilié TGS, mais en tout cas, c'est Sébastien Laurence qui organise ça. Il fait des time to play. Où là, on a toute une soirée pour essayer plein de jeux de plateau. On a des crêpes, des confiseries, on a plein de jeux genre Rock Band, Ah, des c'est trucs pas comme mal ça. ça. Ouais. Ah, j'essaierai d'y aller. Peut-être ça peut être sympa après si c'est tout. Je sais pas si c'est la soirée, mais ou si Après, c'est bah toute la c'est journée. non, c'est en fait c'est plus un week-end, donc ça va être, je crois que ça va commencer à partir de bah plutôt fin de soirée, on va dire. D'accord, Donc ça ouais. est à partir de 5 ou 6 heures, je pense, jusqu'au dernier métro. D'accord, ouais. Donc c'est. Mais ça s'étale sur un week-end, donc en théorie ça peut. Il me semble, après je me rappelle plus si c'est comme ça. Il me semble, est-ce que c'est tout le week-end? D'accord, donc ça peut être sympa Ouais. à voir. Puis bon, ces mecs qui font TG, ça peut être très. Je pense qu'ils peuvent faire du bon boulot aussi. Bah, Ça. pour avoir fait déjà deux time to play, ouais, c'est pas mal. C'est très convivial parce que bah du coup il y a plein. Il y a quelques invités. Donc là, à la dernière où j'y suis allé, il y avait Noob qui était là. Donc Ah, cool. il y avait Fabien le réalisateur. Je crois qu'il devait y avoir Gaïa. Enfin ouais, bah du coup, en fait, on les voit, tu les croises à côté, t'as pas de stand, t'as rien, tu peux parler avec eux vite fait, boire un coup. Là, c'est vraiment le côté familial que je trouve du TGS, qui est bah là, du coup, ils sont juste à côté, tu peux leur parler et tout. C'est Donc c'est pas. vraiment Ouais. pas mal. Ah ouais, ça peut être très sympa. Donc, à l'occasion, si je peux, j'essaierai de y faire un petit tour. Mais donc, pour le moment, il y a le TGS, donc ce week-end. Oui. Donc, donc voilà, je vais pas tout faire non plus à la fois. Surtout que je ne sais pas Oui. quand est le prochain. Donc, voilà. Bah, c'est souvent, moi, ouais, c'est annoncé genre une semaine avant l'événement sur le groupe Facebook. Donc c'est faut le voir en fait. D'accord. Donc du coup pour le TGS, est-ce que t'as prévu déjà de faire quelques trucs? Alors je n'ai il n'y a pas grand-chose, je vais surtout alors je vais aller à la convention Noob, je vais aller à la convention à la conférence pardon, conférence Noob, conférence quand j'ai oublié le nom sur les acteurs voilà de Les acteurs de série? voilà pour le 7e docteur, ça ne se loupe pas. Donc il y a ça. Après, je sais pas, peut-être celle de comics comme tu disais. Et j'ai surtout après faire. Sinon, il y aura peut-être Coucou Circuit, ça peut être sympa. Il y a 360, pardon, minutes pour survivre, peut-être. Je sais pas. Il y a plein de choses à voir. Ouais, c'est le côté chaud du TGS, c'est que bah il y a plein de choses à faire, donc faut juste avoir deux trois trucs peut-être pas deux, trois trucs précis à aller voir, mais c'est allez-y, et puis bah, il y a plein Ah. de choses à faire. Moi, je sais qu'en tout cas, je vais faire dédicacer des BD. Tu vois, peut-être après faire des petits gribouillons sur une feuille volante comme ça. C'est toujours sympathique. La conférence des comédiens de doublage, c'est toujours intéressant bah, de voir comment ils travaillent. Après, ouais, peut-être assister au Marcus, le live de Marcus qui va faire un spectacle, entre guillemets, une animation sur la scène principale, qui est toujours sympa. Donc c'est soit ça va être un chez Marcus, donc l'émission qu'il anime sur la chaîne No Life. Donc c'est pas mal. Pour avoir déjà dansé deux ou trois fois avec lui au TGS, c'est marrant à faire. Oui, ouais, ça peut être sympa. Oui, j'en ai vu un. En effet, c'est ça peut être intéressant. Et après, bah, là où mes jambes me porteront, selon les envies, ce qu'il y a à faire. Si je suis fatigué, un truc reposant, une conférence comme ça. Ouais, voilà. Je pense que c'est à peu près pareil. Après, c'est on verra selon l'envie, selon si je suis crevée aussi. Il y aura un peu de ça aussi, c'est Oui. certain. Donc du coup, bah, on va faire un petit rappel entre guillemets parce qu'on n'a pas fait avant. Donc c'est le TGS Spring Break. Donc il va se passer à l'espace Diagora de la Bège, donc c'est au sud de Toulouse. Donc c'est le samedi 12 de 10h à 21h et le dimanche 13 de 10h à 19h. Donc Voilà. là c'est avec vraiment les entrées en plus si on achète sur place. Sinon si on prend des billets pré-vente, donc là c'est un petit peu court selon le temps où j'ai publié cette partie-ci. Donc les entrées pré-ventes, c'est 9h30. Pour les entrées billets VIP et express, c'est 9h. Donc ça peut être pas mal. Après, c'est sûr, c'est pas le même budget. Ah non, du tout. Bah, Du tout. ouais, le billet un jour en normal, c'est 13 € en pré-vente. Je crois, je sais pas si c'est un peu plus cher le jour même. Je sais pas. Donc Je sais pas. Je crois que c'est 11 € si je dis pas n'importe quoi, une journée. Donc Ah, sur le site, c'était marqué ah, 13 €. ah peut-être donc. Donc peut-être ils ont peut-être augmenté un petit peu, moi. D'accord. Ouais, voilà. Donc pour un billet, que ça soit le samedi ou le dimanche, c'est 13 €. Pour les 2 jours, c'est 22 €. Pour un billet express 2 jours, c'est 45 €. Donc là, arrivé plus tôt et on a, je crois, il doit y avoir un système aussi, pas de coupe-fil, mais de fil Oui, c'est-à-dire. préférentiel. Voilà, c'est-à-dire que pour les conférences, je sais pas, je pense que ça va être comme le TGS, donc pour les conférences, concrètement, ça va être ceux qui ont la presse et ceux qui ont des accréditations qui vont rentrer en premier, ceux qui ont des badges VIP, express, et Ouais. après les autres, s'il y a de la place, s'il n'y a pas trop de monde, tout ça, donc Bah c'est. ouais, il s'arrange toujours. De toute façon, bah de mon ressenti à moi, une fois que la conférence doit commencer, normalement les billets, on va dire normal, le bas peuple entre guillemets, il y a de la place, c'est sûr. Ils vont Ouais, voilà. privilégier, c'est sûr, bah, les express et les VIP. Bah, d'un côté, oui, ça se comprend, ils ont payé plus cher, ils veulent vraiment y assister, donc du coup, bah, ils font rentrer. Ensuite, bah, le billet VIP 2 jours, 100 €. Donc ça Là, ça commence commence. à Ouais. ça chiffre, mais Oh, pour voilà. les VIP, il y a quand même des petits cadeaux. Ah oui, non, mais c'est Donc c'est sympa. même pour les express, je crois que t'as un petit sac qui Et est un petit. donné, mais Ah, je c'est. sais. J'ai vu, mais en tout cas, j'ai vu la liste des cadeaux qui vont être remis au billet VIP. C'est pas mal. On a un sac à dos, un mug, une paire d'écouteurs, un DVD X de Clamp, donc c'est un animé, je crois. Une affiche collector en série limitée, des badges, un t-shirt, ainsi que deux jeux de plateau. Donc Ah, c'est pas mal, oui. c'est pas mal. Tout à fait. C'est plutôt. Après, bon, c'est 100 € quoi. Voilà, Faut oui. avoir le budget. Oui, Et voilà. donc, je viens de voir, et les billets express, ils ont aussi une petite poche, bon, un petit cadeau Et ils ont un petit surprise. truc, ouais. Et ouais, et ils ont de quoi manger pour le petit Ah oui, déj c'est aussi. vrai, ouais, il y a ça aussi pour les express et les VIP, puis un petit truc restauration qui leur sont réservés comme pour ceux qui ont des accréditations presse. Voilà. Ils ont un droit à un petit salon. Bon, c'est pas mal. Ça peut être sympa, en effet. Et ensuite, ouais, ça va être un petit peu court, mais pour les CE, c'est tarif 11 € par personne. Donc ça va. Oui, ça va. Dans l'ensemble, je trouve que c'est pas exagéré au niveau du prix. Non, peut-être, bon, après, ça, c'est VIP, bon, c'est après, c'est 100 Oh, euros, je pense oui. que tout le monde ne peut pas se permettre de payer 100 euros, mais ça, après, je critique pas, c'est si vous avez Ah envie de oui, le payer, selon le vous pouvez. budget et les moyens, voilà, Voilà. c'est. Mais même pour en profiter qu'une journée, si on paye 11 euros, moi, je trouve ça va. C'est, il y a un plutôt bon rapport qualité-prix, apparemment. Ouais. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est un bon effort. C'est abordable, Ouais. dans Donc du l'ensemble. coup, on a fini sur cette première partie. Donc c'est sur la présentation, ce que j'ai appelé le before event. Donc présentation Voilà. de ce qu'on va faire, de la sortie, ce qu'on a prévu de faire. Et il va y avoir en fait une deuxième partie, l'after event, où on va revenir sur bah, en fait ce qu'on a fait. Et si on a eu, comme là, on a un petit peu débattu sur les ressentis, qu'est-ce qu'on a mal vu, s'il y avait beaucoup de monde, les allées, tout ça. Ouais, voilà, c'est plus pas chaud parce que ce sera pas pendant le Non. TGS, mais c'est oui, on Ça sait. sera dans la semaine d'après ou Ouais, un peu voilà. plus après, selon le calendrier. Oui, voilà, c'est pour autant que ça. Que l'effervescence retombe un petit Retombe un peu. peu. Voilà. Tout à fait. Exactement. Bah du coup bah, je te remercie Mais. pour ce pilote de faire avec ça avec moi. Mais je t'en prie. Puis bah on se donne rendez-vous au TGS. Ouais, ben voilà, rendez-vous au TGS et pour le débriefing. Et le debriefing, voilà. Salut, salut! Salut! 「いかに綺麗でも」